Donne-moi le mic, j'ai trop la dalle. Eh ma gueule, y'a pas de deal, mais pas ta bouche sur la gamelle, j'ai trop la gale. Passe-moi le mic, j'te mette la gold, gars. Et j'foute le spell, ça explose, sors du dos, gars. Une mesure, un muscle, ma rime, une balle de deagle. Un feu de bengal, bengal. Mon son de bête, frappe sec comme si Vin Zigal. J'ai le son qui saute, les sœurs Aliwell avec single. JBL, sueur, et sur la table, plus de 100 kills de balles. Direct à des pures faces que j'déballe dans tes HP. Comme Clara Morgan et son boule sous GHB. Wesh, Matt l'organe, ne sont ici, moi je viens l'achever. Jure, ça sent la gagne, et pas la mort comme le H. J'y vais, la cache, j'y vais. Entends ce beat qui claque, me rend givré. J'crache des verres au rivet. J'place ça pour tous les gens, dis vrai, ok. La polychrome 7 arrive libre. J'arrive libre, distribue le son qui va t'enivrer. La roquette, celle qui va te secouer comme ma bouquette. Et mec, look at that, j'ai le son qui fume la moquette. Et même au cap d'acte, un peu d'win, on sent mes sockets. Dans le rap, j'ai fait ma place comme Patrick Ewing dans la raquette. J'pratique le rap coup de coude dans les arcades guettes. Mes mots sont des coupe-coups qui taillent à hauteur de la braguette. Au match, j'ai trop la dalle, j'ai ce que dalle dans la barquette. Et de même, quand j'fais un joint, j'y mets la plaquette. Ça fait oh yeah, yeah, yeah, ah yeah, oh yeah. J'arrive, ça y est, débraillé, fuis le clébard sans courrier. Ah yeah, yeah, yeah, oh yeah, ah yeah. J'arrive, j'braille ma caille, j'ouvre ma place chez les piliers. Oh yeah, yeah, yeah, ah yeah, oh yeah. Allez, n'allaille, j'aime bien tailler le caille pour la maille. Ah yeah, ça fait un pas, j'veux plus envahir. J'veux que la France mouille ma couille et voir Toulouse ma ville briller. Comme Akash, je prends le mic pour la pagaille. Le beat devient calache, l'instrumental et le champ de bataille. Ici, faudrait jamais bégayer quand ça taille. Pas pagayer, ne pas dérailler, gars, coller les rails. MC pétrin, crâne rasé, poils rouillés. Squatteur le terrain vague où les vagos sont à dépouiller. Chez moi, on est chez nous, les camions se sont déployés. Les lois, c'est pour les fous, chez nous, y'a pas de loyer à payer. Eh oh, cette merde est signée fut, regarde le travail. Ça te réveille, le son qui fume est dans le coup de la volaille. En mode veille comme ref, lyrical grenaille. Mais ref, c'est pour vous, on cache à canne. Prendre l'âge, j'ai l'air de la ferraille. Oh, délicat ça pour mes potos, ceux qui partent trop tôt. Les grands perdants du loto, ceux que tu verras juste sur photo. F délicat mon frère, chaque palois plus en plus costaud. C'est pour eux que j'casse tout, pose ton mic, c'est qu'un baston. À l'instant, loue tout, ma ville grince des dents. Et pousse tout, brave dans l'intestin, mon département veut le festin. Ma voix sur piste 1, vite t'as peur de moi, je le fiste. Et vite fiston, mets mon nom sur ta liste, le fiste. On mic topé comme un cycliste, et c'est loyal. Les voyelles s'enchaînent pour que la sentence soit royale. FRAX, et même mon nom. Fous le wire, est-ce qu'on joint d'ailleurs ton point si tu peux en graille. Ça fait oh yeah, yeah, yeah, ah yeah, oh yeah. J'arrive, ça y est, débraillé, fuis le clébard sans courrier. Ah yeah, yeah, yeah, oh yeah, ah yeah. J'arrive, j'braille ma caille, j'ouvre ma place chez les piliers. Oh yeah, yeah, yeah, ah yeah, oh yeah. Allez, n'allaille, j'aime bien tailler le caille pour la maille. Ah yeah, ça fait un pas, j'veux plus envahir. J'veux que la France mouille ma couille et voir Toulouse ma ville briller. Oh yeah, yeah, yeah, ah yeah, oh yeah. J'arrive, ça y est, débraillé, fuis le clébard sans courrier. Yeah. Ah yeah, yeah, yeah, oh yeah, ah yeah. J'arrive, j'braille ma caille, j'ouvre ma place chez les piliers. Oh yeah, yeah, yeah, ah yeah, oh yeah. Allez, n'allaille, j'aime bien tailler le caille pour la maille. Ah yeah, ça fait un pas, j'veux plus envahir. J'veux que la France mouille ma couille et voir Toulouse ma ville briller. Oh yeah, yeah, yeah, ah yeah, oh yeah. Ah yeah, yeah, yeah, oh yeah, ah yeah. Ça fait oh yeah, yeah, yeah, ah yeah.